Bonjour à tous. Aujourd'hui, salade de riz au saumon et pamplemousse pour 4 personnes. 150 g de riz, un pamplemousse, 300 g de filet de saumon sans peau ni arêtes, un petit poivron rouge, 50 g de petits pois, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin, sel, poivre et peluche de cerfeuil. Cuire le riz à l'eau bouillante salée. Pendant ce temps, étuvez à la vapeur le poisson, le laisser tiédir, l'effilocher. Plongez les petits pois 3 minutes dans de l'eau bouillante salée, les refroidir, les égoutter. Épluchez le pamplemousse à vif, faire les segments, couper le poivron en petits dés, faire la vinaigrette, l'incorporer au riz, plus tous les ingrédients de cette salade mélangés délicatement. Dressez dans des assiettes sur une belle feuille de salade, décorez de peluche de cerfeuil, un petit vin conseillé, un rosé de Provence à boire avec modération.